Exercice 6. A. Ils en ont rapporté chez eux. B. Vous allez aux États-Unis? C. C'est peut-être le grand amour. D. On a acheté quelques entrées. E. Mes amis ont de beaux enfants.